Mais être émotif, c'est une chose, puis être sentimentique, c'en est une autre. L'émotion, c'est un phénomène. Le sentiment, c'est autre chose. Avoir un sentiment, on a un sentiment, une vibration pour un paquet de choses. Mais l'émotion, c'est un autre phénomène. Puis l'émotivité, c'est de l'expérience intra-amique. Le sentiment, c'est une perception existentielle, une perception réelle d'échange énergétique. Ça peut être un sentiment en face de l'ombre de forme de quelqu'un, tu trouves son corps joli. Ça peut être en face d'un nuage, en face d'une automobile. Ça peut être en face d'un discours. Ça peut être au niveau du plan vital, au niveau des échanges d'énergie. C'est un sentiment. Le sentiment permet à l'humain de monter en amour. L'émotion, c'est lorsque l'humain mémorise le sentiment, c'est-à-dire c'est une expérience du sentiment à l'intérieur de son âme, donc ça va créer une émotion. Et là, l'émotion va faire en sorte que ça devient une habitude. Puis l'émotion, donc l'ego, va essayer d'obliger les événements à permettre de revivre le sentiment pour renourrir l'habitude. Et là, on va comparer. Puis là, on va exiger progressivement des personnes qu'on aimait. Et là, on tombe en amour quand on commence à avoir de l'émotion pour quelqu'un. Et quand l'humain parle d'amour, l'amour humain, c'est une émotion. Mais l'amour, ce n'est pas une émotion. L'amour, c'est un sentiment. Ça ne se commande pas, ça ne se désire pas, ça, on ne s'habitue pas. Tu aimes, tu n'aimes pas, ça change. C'est quelque chose de vivant, l'amour. Sauf que l'humain vit émotivement. Et se centrer émotivement, ça veut dire être capable de cesser, de laisser toute l'expérience, le vécu expérientiel, donc ce qu'on vit dans la vie, à travers l'émotion, être filtré pour parvenir à notre mental, à notre conscience qui se trouve dans le mental. Le mental n'est pas ce qu'il y a de plus beau. Des fois, le mental, ça crée des problèmes. Et la conscience se trouve dans le mental pour parvenir au mental, donc rejoindre la conscience, sans être coloré. L'exemple le plus banal va être, je vois un arbre, parce qu'émotivement, je suis décentré. Mon ego va comparer l'arbre aux arbres que j'ai en mémoire et au cerveau, au mental, à la conscience, je vais voir un arbre qu'il est. Puis même si je ne le dis pas, ou encore je vais voir un arbre parmi tellement de mémoires d'arbres que finalement, je vois tout ce que je vois de l'arbre, c'est « tasse-toi à côté ». Il ne faut pas rentrer dedans. C'est ça, j'ai vu de l'arbre. Tu veux un pissenlit? Mais oui, pissenlit. Tout le monde lui dit « je suis pissenlit ». Va faire un tour dans la jungle à un moment donné, puis là, tu vois un colibri, un oiseau-mouche. Alors, c'est un bec grand de main, un petit corps, des petites ailes, puis ça vole. Ça fait du géostationnaire, puis ça fouille dans des arbres. Je voyage avec des touristes. Et puis, wow, tu vis ça! Mais le monde, les autochtones de la place, eux autres, ils sont en bas. Tu ne veux pas leur rien voir. Mais c'est ça. L'humain qui n'est pas centré émotivement ne sera plus capable de se nourrir sentimentiquement des événements, donc de la beauté de la vie. Je fais souvent des conférences dans les écoles dans la province de Québec, au Nouveau-Brunswick, etc. Il y a des régions où je vais, c'est très, très, très joli. Et je demande souvent aux directeurs, directrices ou à certaines personnes qui s'occupent de moi, parce que là-bas, on s'occupe de moi. Ça pour ceux qui s'occupent de moi ici, là. C'est un message. Et puis, ben, ils sont pas vite, parce que je préfère spécifier. Pas vraiment subliminal, mais non, ça, c'est... Mais dans l'article, subliminal, il faut répéter, tu sais. Et puis, je leur demande, on regarde le rocher percé, par exemple, une grosse roche avec un trou. C'est rien de catastrophique, quoi. Puis, c'est peut-être une catastrophe qu'il y ait un trou dedans. Oui, ça se peut bien. Il y avait trois trous avant, apparemment. Ils ont réussi à sauter les trous. C'est un gars qui s'appelait Érosion. Parce qu'il m'a expliqué ça, c'est l'érosion qui fait ça. Je lui ai demandé s'il l'avait attrapé, tu sais, puis... il aurait fait qu'un trou, il est temps qu'il voit. En tout cas. Et puis, êtes-vous capable encore d'observer l'île des tireurs, l'île Bonaventure, là-bas, le rocher percé, le paquet de mono qui se promène. Puis certains me disent « Ah oui, ah oui, ah oui. » Mais j'ai l'impression qu'ils sont capables d'en prendre conscience chaque fois qu'un touriste leur fait remarquer que c'est beau. L'humain qui n'est pas centré émotivement vit donc un ou deux ou les deux phénomènes. Tu ne vois plus rien ou tu vois tout trop à partir de l'émotion. Mais tu ne te nourris plus, en tout cas. Quand tu es décentré, c'est l'habitude qui te décentre? La répétition? On peut dire oui. C'est le fait que tu as suffisamment de mémoire. Je vais dessiner un dessin d'une arme ici qui est décentrée. Je peux essayer de dessiner, non? J'en ai vu souvent d'abord. Je vais dessiner la tienne. T'es un peu, je vais essayer de faire. Regarde-moi par les yeux, là. Bon. Je vais essayer de faire comme un sismographe. Tu devais le contact de couleur, là, tu vois. Un sismographe de ton âme. Ton papier passé large. On va réduire l'échelle. Disons, puis là, c'est un dessin. Hein? Ici, c'est la peur. Donc, c'est très simplifié. C'est pas nécessaire de compliquer. Pourquoi? Parce que tout ce qu'on apprend de l'âme, c'est à s'en sortir. Ça vaut pas la peine d'analyser au microscope toute la comprendre, parce qu'une fois qu'on en est sorti, on n'en a plus. Fait que là, on sait tout de ce qu'on n'a pas. Fait que, on a déjà assez de problèmes ici. Une fois qu'on va être rendu de l'autre côté, on va être rendu dans l'état d'un être nouveau, ça vaut pas la peine d'avoir encore du bagage. Alors, en disant que tu as la peur ici, tu as l'amour de quelqu'un ici, tu as quelque part ici des mémoires de plaisir, tu as quelque part ici des mémoires d'ennui, ici, c'est les mémoires de... des mémoires de tes désirs de réussite en affaires. Il y en a plein comme ça. J'espère que c'est écrit mieux que ça, mais je ne retrouverai jamais. Non, c'est même pas écrit du tout. C'est encore pire. Et là, ce qui arrive, c'est que l'intelligence qui te traverse, pour instruire ton ego, pour être expérimentable par l'ego, doit traverser en évitant des choses, mais sans arrêt les colorer par un paquet de mécanique, ce qui t'arrive ici à un résultat qui n'a plus rien à voir avec ce qui rentrait. Mais le pire, c'est que toutes les informations planétaires, ce avec quoi on doit être efficace, évidemment, ça entre par les sens physiques et les sens vitaliques. Ce pas des sens vitaux, là, ça n'a rien à voir avec la vie, c'est avec le corps vital. Ces sens-là font la même chose, ils peuvent pénétrer, dépendamment de ce qui va rentrer. À un moment donné, disons que tu vois quelque chose qui peut te faire peur, parce que dans ton ego, il y a des mémoires qui se rattachent à ça, dans l'illusion, qui t'amènent la peur. En entrant par la peur, ça va être coloré par la peur. Coloré par la peur, rendu ici, ça va sauter où? Ça peut sauter ici? Probablement pas, ça va continuer. Tu viens d'échapper à l'amour, tu viens d'échapper aux mémoires de plaisir. Vu que tu es décentré, la coloration, parce que par les visions corporelles actuellement chez l'être humain qui a de l'émotivité, donc un être humain qui a de l'ego, donc un être humain, sont toujours colorés. La problématique, c'est que l'humain a à peu près autant, on fait un gros bloc ici, l'humain, en moyenne, a à peu près autant de mémoire positive qu'il a de mémoire négative. Bon, alors si on fait par exemple du positivisme, on va éliminer les mémoires négatives, on va te laisser les mémoires positives. Bon, il y a une autre façon de faire du positivisme, c'est de mettre plus de mémoire positive pour battre les mémoires négatives. Et si on veut te faire du négativisme, bien là, on va ôter les mémoires positives. Ça, ils font ça souvent dans des fins de semaine de ressources pour croissance personnelle ou dans certaines sectes, etc., où on vous fait venir, on élimine tout ce qui est positif chez vous, là, et il reste rien de négatif, après ça, on vous programme. Bon. Ils font ça aussi pour les agents secrets, ils font ça dans les pays, à un moment donné, là, pour faire pour qu'un prisonnier de guerre avoue. Il va avouer n'importe quoi à la fin. Lui, il fait bien comprendre qu'il n'y a pas grand-chose non plus. Ça fonctionne. Pour l'humain, à peu près la même chose ici. Sauf que quand tu es décentré émotivement, c'est relativement éparpillé. Et ce qui va descendre au niveau d'information, puis quand c'est éparpillé, là, c'est pas juste les deux blocs qui sont déphasés. C'est réellement éparpillé. Les unités dans chaque bloc. Oui. Donc, tu vois un arbre, dépendamment par où ça va rentrer, autrement dit, dépendamment de... parce que l'ego, c'est quelque chose qui, disons, pivote. Alors, dépendamment de la partie ici qui va être tout près des récepteurs du corps, si t'es joyeux aujourd'hui que tu vois un oiseau, c'est joli. Si t'es malheureux aujourd'hui que tu vois un oiseau, tu trouves ça épais. Tu sais, bon. Vu que tu es décentré émotivement, un être humain décentré, tous les humains sont décentrés émotivement, ne peut pas voir le monde d'une façon... qui va l'amener à la conscience. Il va y aller de toute façon à la conscience, et par la souffrance, pas par la centricité, pas par le minimum plaisir d'être là. Alors, tu perçois des choses, des événements, ça traverse par l'amour, ça va probablement sauter ici peut-être, revenir ici, ça s'en va. Ça n'ira pas au bout de ton ego. Est-ce que la dernière partie qui a été stimulée, disons que c'est l'amour, oui. est superposée ou est plus en surface, de façon à ce que je trouverais l'arbre, oui. dans cet exemple-là, un bel arbre? Non, si tu ne trouveras pas un bel arbre. Tu as trouvé un arbre qui aurait peut-être pu être beau, mais que tu as vu l'écorce, puis finalement, tu n'en as rien à cirer. Puis, dépendamment des parties que la perception va rencontrer en pénétrant dans ton âme, donc dans ton ego, par la suite. L'être humain qui est centré, on l'a deviné, a tous des petits blocs ici placés un en dessous de l'autre. C'est centré. Ça veut dire que ce qui rentre ici va être amorti autant par le plus que par le moins, ce qui amène de l'information à l'ego plus près de la réalité extérieure de ce qu'il y avait ici, plus près. Parce que c'est évident que c'est altéré. Ça ne serait pas plus simple que ça passe à côté? Oui. Il me semble que... Oui, au lieu de passer ça passe pas. On est parlé au Créateur. Puis il n'a pas trouvé bon. On a une réunion lundi. Je vais t'expliquer à son heure. Pourquoi l'humain, au départ, est décentré. Parce que c'est sûr que mentalement, ça serait plus simple. Ça serait bien plus simple si on n'en a pas besoin de manger, pas besoin de boire, pas besoin de dormir, puis pas besoin de ci, pas besoin de ça. Ce serait bien plus simple. Bon, je suis d'accord. Moi, j'ai toujours voté pour ça. Je n'ai jamais trouvé d'urne, là, mais en tout cas. Pour voter. Et puis, ici, ce qui arrive, c'est que l'humain, au départ, toi, le véhicule planétaire agité par un virus qui s'appelle l'ego, qui habite un véhicule qui s'appelle l'âme, le corps astral, tu n'as pas de conscience, tu n'as pas d'expérience, tu n'as rien. Et pour t'obliger à prendre le corps, puis à l'amener boire de l'eau, puis à l'amener se baigner un jour, puis à l'amener à ne pas se noyer un autre jour, vu que tu n'as pas d'intelligence, il faut créer l'attirance vers l'eau, la vision de la beauté de l'eau, te baigner dans l'eau, t'étouffer dans l'eau, puis là, la vision de la panique, la vision de tout ça au complet, puis là, tu ressors de là en courant, puis après ça, tu es confiné en dissonance cognitive entre une partie qui voit l'eau, puis il a dit, c'est beau, en maudit, ou c'est dangereux. Puis là, ce qui va arriver, c'est que lentement, parce que tu n'as pas d'intelligence, tu vas finir par amener la prudence. Un être prudent n'est pas un être intelligent. C'est un être intellectuel. C'est une bonne personne. T'es une bonne personne. Mais ce que je veux dire... Oui, parce que les humains, ils pensent qu'ils sont quelque chose avec des mots. Un être intelligent n'a pas besoin d'apprendre. Bon, il n'a pas besoin d'être prudent. C'est stupide d'aller me noyer, je ne me noye pas. C'est banal. Mais l'être qui n'a pas d'intelligence, il faudra lui répéter puis le reprogrammer. Quand tu es tout seul puis tu as pris trois bières, va pas sur le bord de l'eau. Je le sais. Tu n'es pas tout seul. Jésus, t'es avec moi. Ben, il nage pas, il marche sur l'eau, lui, c'est que t'aideras pas même. Oui, il marche sur l'eau. C'est Laurent, ça se fait évoluer, mais d'être d'autres places, c'est compliqué. Mais là, ce qui est important, c'est que notre personnage arrive à la prudence. La prudence, bon, une chose de développer, il faudra que tu te développes à bien des égards, la prudence. En courant les filles, en courant les gars, en ayant des enfants, en faisant des constructions de maisons, etc., etc. Progressivement, il faudra que tu développes tout un phénomène de prudence. Tu vas développer d'autres choses aussi qui vont être... Ça fait partie de l'expérience de l'humain, mais c'est pourquoi l'humain doit être décentré de façon à être manipulable. Mm-hmm. Toi, tu es assis devant la télévision, puis là, on te vend quelque chose d'extraordinaire, puis tu es centré. Mais tu n'es pas manipulable, ou presque pas manipulable. C'est bon, là, ça passe par c'est très bon, c'est très mauvais, c'est idiot, c'est intelligent, ça a du sens, toutes tes strates astrales. Puis quand ça arrive au bout, là, c'est quasiment publicité que tu as vu qui est là. Tu n'as pas plus le goût d'y aller. Puis à un moment donné, tu as besoin d'un tournevis, puis là, tu repasses toutes les publicités que tu as vues, ou tu vas chez Canadian Tower, ou Saint-Pierre, chaque fois que je le dis le nom. Fait que tu arrives chez Canadian Tower, c'est 10 piastres, là. On va dire Canadian Tower, 3 piastres. Et puis tu rentres là, puis là, tu vas voir le tournevis. Puis là, ton cerveau, si tu es intelligent, tu vas acheter celui qui te va le mieux. Tu ne diras pas, ouais, mais j'ai qu'une vis à visser. Si t'es planétaire, là, tu vas avoir besoin des vis à visser un jour. Fait que tu te dis, manchette, t'en as un vis qui visse, puis qui dévisse. Oh. Ouais, électrique, là. Rechargeable. rechargeable, pas de fil. Puis, c'est correct. Après ça, je t'arrange pas de perdre. Bon. Tu n'es presque plus manipulable parce que tu es centré émotivement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'être humain qui est centré émotivement peut, même s'il n'a pas encore accès à son intelligence, dans des termes plus justes, tant que les véhicules planétaires habités ne sont pas manipulés par l'humain absolu, l'humain cosmique, en tout cas par l'intelligence, l'être humain qui a la capacité de se centrer émotivement, l'ego qui accepte le centrage émotif, c'est l'ego qu'il faudra qu'il fasse le centrage émotif. C'est vous les égos. Quel devoir est mettre ça égal? Enfin, quelque chose à faire. après que tu auras vu que tu n'es rien, tu mettras ça égal. Ben, c'est ça. Voilà. Faire un décentrage émotif. Mais l'ego, lui, tu dis, si l'ego, c'est lui qui va avoir affaire, puis c'est, s'il accepte, ça veut dire que pour lui, finalement, plus il y a de perturbations, plus il y a de l'action dans sa vie. Alors lui, il n'est pas nécessairement intéressé à ce qu'il soit centré émotivement. Mais prenons l'exemple. Ici, à côté, on a une fête. Et puis, la personne, c'était une fête surprise. On l'a su 2 heures avant, là, mais soit la personne qui est concernée qui ne sait rien. C'est le même, ça marche à la planète. Et puis, bon, là, présentement, là, son ego est en phase de décentrage complet, total. Pourquoi? Parce que c'est X, c'est le fun, puis là, elle se met à pleurer un petit peu, puis là, c'est plus ce qu'elle fait là, puis là, c'est trop pour elle, puis là, il me semble qu'il aurait pu en mettre un peu plus. Puis là, j'espère qu'elle a mis de l'argent dans le chèque. Merde, c'est une invitation à aller voir rien. Bon, puis ça se promène comme ça, là. Tout est bon. Un être humain qui est centré avec un corps astral, donc qui n'est pas encore un égoïque, parce qu'une fois un égoïque, on n'a pas besoin de se centrer. On n'a pas d'ego, on est là. On a du sentiment, on n'a pas d'émotion. Donc, la personne qui n'a pas d'émotion, qui n'a pas d'ego, va aimer d'une façon pure. C'est-à-dire qu'elle ne souffrira jamais d'aimer. Je ne suis pas le genre de personne à dire, « Là, moi, je ne veux plus aimer. Ça fait trop souffrir. » Non, c'est une personne qui est décentrée. Bon, moi, je ne veux plus avoir d'enfants parce qu'après ça, il y a 17-18 ans, ils s'en vont, puis là, Non, la personne qui est centrée émotivement, ou la personne qui est un égoïque, c'est plus facile, c'est peu, mais si on n'en est pas là encore. La personne qui est un égoïque, elle n'a pas d'émotion. Elle va être capable d'aimer tout le temps au fur et à mesure que les choses passent, et elle ne s'ennuie pas, elle ne souffre pas, elle ne se rappelle pas quand c'est pas là. Ça veut dire que quand tu enlèves l'ego ou quand tu es un égoïque, les problématiques qui sont là, ils n'existent plus, à mesure que l'ego fond ou disparaît, plus les problématiques s'en vont. Moins il y a effectivement de problématiques de souffrance au niveau de l'ego, mais il apparaît des problématiques de souffrance dans une anégoïsation, dans plusieurs anégoïsations, il apparaît une problématique de souffrance au niveau du mental. Le mental qui souffre. Est-ce qu'il reste de l'ego dans le mental? Non, mais le mental, ce qu'il se dit, lui, le mental nourrit l'ego. Le mental, ce qu'il se dit, c'est « Ouais, je comprends, mais c'est stupide en maudit. » Comme tout à l'heure, « Ouais, mais ça aurait été bien plus simple si on ça passerait à côté. » Mentalement, c'est un fait. Ça instruit l'ego que c'est con en maudit où ce qu'on est. Alors que l'ego n'a pas accès à toute l'information qui intelligencie la mécanique. Ce qui est con, c'est quand vous n'en avez plus besoin puis que ça reste là. Mais quand tu n'en as plus de besoin et que ça reste là, c'est parce que tu n'en as plus de besoin et que toi, tu tiens à ça. Au cas. Moi, l'ego, pour tenir compte. Ouais. Ouais. Ben oui, un ego. C'est ça que je dis. C'est comme si on avait bâti une maison puis on a gardé les échafauds. Puis on trouve c'est ça toujours beau. La même chose. L'âme, c'est des échafauds de maison. Puis ça prend tellement de temps à bâtir la maison qu'après ça, les échafauds ont l'impression qu'ils font partie de la devanture de la maison. Mais quand on dit, là, une fois que, t'es, que l'ego, tout est construit, c'est parfait, l'intelligence est là, là, on va défaire. Hey, si vous défaites ça, tout va sacrer le camp à terre. C'est faux. Ben, crème, on tenait les murs pendant qu'on construisait, pendant que le ciment séchait. Oui, mais là, ça va être laid en maudit, c'est tout ça. C'est faux. Tout est faux. Puis qu'est-ce qui va arriver avec moi? On va t'envoyer bâtir une autre maison. Ou bien on va t'organiser pour faire quelque chose d'autre. Mais c'est ce qui arrive. La centricité émotive, ça se fait. La façon la plus évidente de le faire, premièrement, il faut comprendre une chose. La première question, je ne suis pas perturbé émotivement, ai-je besoin de me centrer? C'est des questions que vous devriez poser, ça, là. Mais moi, j'ai pas encore compris l'utilité, parce que c'était important. Je peux pas comprendre, mais reste juste une demi-heure. Que ce soit décentré, ça, là. Pour arriver, par exemple, l'exemple d'être prudent. Moi, je vois pas pourquoi. Je comprends pas ça. Je comprends pas ce bout-là. Ah ben c'est simple, c'est que, étant donné que l'humain n'a pas d'intelligence, s'il voit l'eau, puis qu'il est neutre, puis qu'un jour il se ramasse dans l'eau, il va être neutre, et s'il va mourir, il va être neutre, puis s'il s'étouffe, il va être neutre, il va observer, c'est comme un être humain sans ego, mais sans intelligence. Il prend de l'eau, là, hey, on reste mal dans l'eau, on reste même pas dans l'eau, puis il va tout analyser les affaires, puis il va se ramasser dans le monde astral. Alors que si l'humain est décentré, son analyse, c'est sûr que t'as des décentricités qui sont problématiques. Mais de toute façon, c'est ça qui s'est passé. Il y en a qui sont noyés, il y en a qui ont vu ça, parce que ceux qui se noient, ils se noient une fois. Non, il y a d'autres vies. C'est ça. Il y en a ici, il y en a aujourd'hui. Je sais pas de quoi il parle. Mais habituellement, effectivement, ceux qui se noient, ils se noient une fois. Alors, il y a une instruction qui est faite, puis à un moment donné, fait que t'as pas besoin d'être décentré pour ça. Non, tu t'es instruit, mais t'en as rien à faire. Ça te dérange pas plus. Les gens, par exemple, qui sont... C'est tout relié à l'émotivité, oui. Ben c'est ça. Vu que ça ne te dérange pas plus, puis qu'il faut que ça te dérange pour que tu ne le fasses pas. Prenons l'homme et la femme. La femme n'a pas besoin de l'amour de l'homme. L'homme n'a pas besoin des fesses de la femme. Ben, il n'y aura jamais de bébé. Il n'y en aura pas. Pourquoi il n'y en aura pas? Parce qu'ils vont se regarder, ils vont se trouver cute. C'est fini là. Si tu as de l'intelligence, tu vas dire, écoute, il faut qu'on fasse des petits. Pourquoi? Ben, pour avoir des locations, pour se réincarner. Plus tard. C'est de l'intelligence, tu comprends? Différentes mécaniques. Mais si t'as pas d'intelligence, il se passe rien. Fait que là, tu cours après les femmes, la femme, elle se laisse faire, parce qu'elle a des petits, là, elle caresse, elle cajole, elle joue avec, elle s'en va avec. Puis, elle en veut d'autres. Puis le bonhomme, il en fait tout ce qu'il en demande. Puis c'est parce que d'un... Je parle à l'époque, là. C'est parce que d'un point de vue, être comme ça... Ça fait longtemps, ça, là. Ben, longtemps. Ça dépend à quelle échelle on se place. Ben, je veux pas... Je sais, c'est beau. C'est que d'un point de vue, là, c'est d'être centré, d'être comme ça, dans le temps où tu apprends ça. Non. Parce que c'est de toute façon... Non. C'est d'être décentré. Regarde, une chose croche, elle n'est pas droite dans le temps où il faut qu'elle soit croche. Elle croche, mais c'est adapté à son temps. Puis un jour, elle reste croche, mais c'est plus adapté à son temps, il faut la mettre droite. Ben là, je suis d'accord avec l'exemple des échafauds, que là, pour moi, c'était correct. Ben, OK, c'est correct. Mais... C'est quelqu'un d'autre qui veut télépathiser? J'espère que tu as télépathisé ta compréhension. Hein? Il a posé la question. Mais maintenant, comment centrer ça? Ben c'est ça, c'est là qu'on allait. Donc, vous posez une question. Quand on n'est pas émotivement perturbé, est-il nécessaire de se centrer? Qui la pose? Moi, j'ose pas poser. Bon, je vais répondre. Il me semble que c'est évident. Oui, c'est sûr que c'est évident, mais c'est pas vous qui répond. C'est ça, c'est ce que je dis, il me semble que c'est évident, si tu vas y répondre. Ah! C'est bien. Oh, moi, j'aime tout. Alors, admettons que si je suis pas émotivement perturbable, ça vaut-il la peine que je sois centré? Ça, c'est une bonne question. Elle est mal posée, mais... Je t'aurais dû la poser aussi. Bon, bref, oui, voilà. Bon, l'autre question. Le bad. Tout ça pour ça. Non, mais ce qu'il faut comprendre, simplement, c'est que... C'est parce qu'on doit se centrer seulement dans la mesure où on sent que ça nous dérange, égoïquement? Non. L'humain devrait se centrer, être centré en permanence. Parce que moi, ce que je vois... Mais si là... égoïquement, on n'a pas l'impression ou l'information que ça dérange. On n'a pas l'intention de se centrer, égoïquement. Égoïquement, non. Au niveau de l'intelligence, mais là, c'est rare que tous les humains soient centrés en permanence au niveau des plans émotifs. Mais c'est évident. Je vais vous donner un exemple. Vous êtes... en effervescence sexuelle. J'ai rencontré André Moreau dernièrement. C'est ça que ça te fait? Non, mais il fait des mots. Ça fait des mots. Imagine-toi lui. Dans quel état il a dû être? Alors, vous êtes en effervescence sexuelle. Là, vous êtes décentré. Ça, j'ai pas dit ça parce que là, lui, il est passé. Et lui, là, t'es décentré. Puis là, tu commences à te rapprocher de l'autre, puis là, ça sécrète. Puis là, t'es totalement décentré. Un être centré ne vivrait pas cette phase mortuaire de la liaison sexuelle, qui est extraordinairement plaisant pour plusieurs mâles, qui sont décentrés. Tu dis que si on est tous centrés, il n'y a plus d'effervescence sexuelle. Les bébés, exact. Là aussi. La location familiale, on va faire ça comment? S'il n'y a plus de sentiments, il y a des sentiments, mais il n'y a pas d'émotions. Ne mélangeons pas les choses. C'est ça que je voudrais que les tu fasses. Les S et les E. Les sentiments et les émotions, parce que de la manière dont tu le dis, on dirait que... Qu'il n'y a plus d'effervescence sexuelle. S'il n'y a plus d'effervescence sexuelle, il n'y a plus d'appétit. J'ai rencontré quelqu'un qui me disait, je m'en ai qu'il était deux personnes. J'arrive, qu'est-ce que vous complotez? Ils partent arriver tous les deux, ils me disent, on regarde les filles. Fait que là, je leur explique, vous devriez les regarder les yeux fermés, les rencontrer les yeux fermés, leur parler. Là, s'ils vous plaisent, en ouvrant les yeux, ils vont vous plaire de toute façon. Puis vous, là, vous ne pouvez pas vous tromper. C'est du monde conscient. Ils sont totalement d'accord avec ça. Mais ils ont des égaux. Si vous voyez deux gars dans le corridor, les yeux fermés, tantôt, faites attention. Faites attention à ce que vous dites. Non, mais on comprend le principe. L'effervescence sexuelle, c'est la même chose. Tu as besoin d'image mentale, tu as besoin d'illusion, tu as besoin de t'imaginer que tu es avec une autre femme ou qu'un autre homme, souvent, ou tu as besoin de t'imaginer qu'une partie de l'autre, tu n'es pas là, pour arriver au plaisir. Puis ça se fait souvent très, très individuellement, la relation sexuelle, rendue à un certain point. Tout ça, c'est une réplique absolument insensée, mortelle, parce que ça s'use, hein, c'est la vie qu'on perd quand on fait une relation sexuelle. On la communique à une troisième personne, puis dans le cas de plusieurs sociétés, une troisième personne n'existe pas. L'humain se vieillit. Bon, alors, il y a un petit coup d'énergie là, c'est comme quand tu prends un peu de boisson, ça te réchauffe. Mais c'est un vasoconstricteur périphérique, c'est pas long qu'après ça tu vas geler. Mais sur le moment, ça te réchauffe. T'en prends encore après, elle te réchauffe. Et à un moment donné, ben, t'en prends plus des gelées. Bon, t'es mort. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'être humain qui va être centré émotivement ne pourra pas... Toute l'approche va être différente. Au lieu de sortir ses grandes plumes, là, pour attirer la femelle ou le mâle, puis marcher en avant... J'ai déjà vu ça, les animaux, hein? J'explique, c'est de la... Tu vous dis, c'est de la zoothérapie qu'on fait quand on est en couple. C'est bon, puis tout, oui, Minou, viens ici, bon. Alors, t'as déjà vu... Le mâle, il est là avec ses grands, puis la femelle qui marche comme si elle voyait rien, et qui a dit en même temps, écoute, il va se tuer niaiser. Mais chez l'humain, on retrouve des comportements similaires. C'est plus raffiné souvent, mais ça va être des petits parfums que chimie, petit bébé, bon, des petits vidéos, des petites musiques, des petits livres, il y a bien des affaires, là. Et puis, l'être humain qui est centré émotivement, ou qui est un égoïque, mais l'être humain qui est centré émotivement, il va être bien dans l'événement. Il va être bien avec le conjoint ou avec les enfants. Il va être bien ou la conjointe. Il va être stupidement bien. À un moment donné, le bien qui va être bien va faire en sorte qu'énergétiquement, ils vont se rapprocher. Est-ce que ça va finir avec une relation sexuelle? Pas nécessairement. Mais là, le mot du problème, c'est que la majorité des êtres humains sont convaincus que si ça ne finit pas avec ça, ont tout manqué. C'est parce qu'ils ne connaissent rien d'autre que ça. Bon, tu peux vivre une relation énergétique avec toute la famille. Grand-mère compris. Puis avoir bien mieux qu'une relation sexuelle. C'est sûr que l'humain n'est pas là encore. Pourquoi? Parce que l'humain a de l'ego, l'humain est décentré émotivement, ce qui fait que la communication sentimentique, lorsqu'elle va passer, elle va frapper des blocs de mémoire qui vont t'amener ce soir à ne pas avoir le goût, ou qui vont t'amener lentement à dévier vers les blocs mémoriels qui t'amènent à la relation sexuelle banale. Où il n'y a plus de gustation réelle. L'humain n'apprécie pas. En tout cas, je ne vais pas trop en parler parce que ça travaille beaucoup d'hommes quand j'en parle. Puis, pour plusieurs mâles encore et quelques femelles, tout est basé sur le sexe. Le sport, puis le sexe. Le sport dans les journaux, là, la télévision, le sexe. À peu près tout. Oui, parce que pendant les parties de hockey, là, les Coupes Stanley, il y a beaucoup moins de relations sexuelles. Puis après, ben là, si, il y en a un peu plus, il faut prendre ce qui a été perdu. Mais pour plusieurs, c'est comme ça. Alors, un être humain qui est centré ne vivra pas, absolument pas les mêmes choses, ni dans sa vie, ni en face de problèmes. Prenons des exemples de problèmes. Un être humain qui fait face au divorce. S'il est centré, il sait clair chez lui qu'il a déjà vécu sans cette personne-là, qu'il peut encore vivre sans cette personne-là. C'est sûr qu'il se met un petit peu. Pourquoi? Parce que dans son astralité, il a expérimenté la présence de l'autre, donc une partie de son ego qui est construite de la présence de l'autre. Et quand l'autre va s'en aller, cette partie-là ne pourra plus s'alimenter, elle devra donc disparaître, elle va mourir, ce qu'on appelle l'oubli. Ah, il va rester la trace expérientielle de la personne, la trace émotive, elle va s'en aller. Et parce que l'ego refuse la mort obstinément alors que l'ego, il est mortel, ben, nécessairement, il y aura une souffrance. Une personne qui est totalement centrée, l'avantage, c'est que quand elle va observer le phénomène événementiel, l'événement, par exemple, du divorce, qui ramasse l'événement ou des parties colériques ou en maudit pour arriver à supporter les parties souffrantes, c'est tout le bloc au complet qu'il ramasse, ce qui fait que tu te retrouves avec... Écoute, ça ne fait pas plaisant, mais c'est probablement la meilleure solution, ou c'est pas plaisant, mais de toute façon, c'est ce qui arrive. Mais être centré, ça ressemble à une démarche mentale. C'est-à-dire que si tu es centré émotivement, ça va. Si tu es totalement mental, ça va. Par contre, si tu n'es pas centré émotivement et que tu es mentalement puissant, tu vas te créer des maladies en état mental. Dans ton mental, ça va être clair. Oh, il n'y a pas de problème. Mais dans ton ego, dans l'inconscient, tu es en train de... C'est là que tu vas te mentir en même temps. Ouais, tu te crues. Sauf que quelqu'un qui est mental, qui est capable de supporter ça dans une situation de crise, lui, va régler... Il va aller se centrer pendant la crise. C'est qu'il va régler une partie de problème réel, mais il va en créer d'autres chez lui. Chez lui. OK. C'est ça. Donc, par exemple, il va se divorcer correctement, tu es parfait, tout va bien. Mais lui, il se rend malade lentement. Pour les autres qui vivent l'événement, il n'y a pas de différence. Ah, le gars, il est parfait. C'est pour celui qui le vit, il va avoir un onde de choc après. C'est ça. La personne mentale ou la personne qui n'est pas suffisamment centrée, par exemple, n'importe quel événement qui vous touche émotivement, pas sentimentiquement. Sentimentiquement, ça veut dire, par exemple, que vous allez avoir le goût de pleurer. Aucun problème, c'est merveilleux, vous allez vous nourrir, puis en plus, vous purgez de l'ego. Vous allez avoir le goût de rire. Parfait, vous allez purger de l'ego aussi, c'est merveilleux. Bon. Il y a des choses que l'humain va faire. Pleurer, c'est pas correct. Brailler, c'est autre chose. Pleurer, ça va bien. Lorsque l'être humain doit se centrer, l'humain qui voit la chose, on a un problème, on est touché émotivement par un problème, une loi, une chose à comprendre en tout cas, c'est qu'on devrait présentement. Bon, je revenais sur des conférences, j'expliquais plus la mécanique, on pourra en parler avec des « on ne doit pas ». Là, on va dire « on ne devrait pas ». On ne devrait pas prendre de décision en fonction de nos besoins planétaires. Pourquoi? Parce que plus on prend des décisions en fonction des besoins, plus l'astral, la vie, nous donne des besoins pour nous charrier à prendre des décisions, puis finalement, mentalement ou intelligemment, on n'arrive pas à prendre le contrôle du corps. Il faut arrêter la roue à un moment donné, là, puis de dire tout ce qui ne fait pas partie de ce que mon intelligence veut faire, ça continue, je m'en fous. Bon. Puis une fois que la roue est arrêtée, après ça, on repart dans un autre chemin. Et sans ça, c'est... Moi, je fume plus. Puis, il arrive un stress, là. Puis, là, m'arrêter après. On va toujours avoir des stress. T'arrêteras jamais. Bon. Mais déjà, pour faire ça, ou se centrer émotivement, il faut que tu sois centré. Pas nécessairement centré, mais faut que tu aies un appui, une base quelconque. Il faut soit l'information, comme l'information d'une conférence. Autrement dit, tu as une petite programmation au niveau de ton ego, des mémoires d'intervention qui peuvent t'aider. Il te faut soit de la puissance au niveau du mental, ou il vous faut le respect de vous-même, donc suffisamment d'amour de vous-même. Si tu t'aimes suffisamment, tu ne toléreras pas longtemps de vivre tout croche. Et c'est parce que tu peux avoir tout ça et puis prendre la décision, bon, t'en aller où ce que tu vois que c'est le plus intelligent d'aller, mais tu souffres tout le long de la démarche pareil. Oui, mais là, il faut être centré. Là, c'est parce que tu n'es pas centré encore. Parce que là, en étant mental totalement, tu te gruges par l'endroit. Oui, tu peux régler des choses convenablement, mais tu n'es pas centré, tu peux souffrir, tu peux te démolir. Non, mais ce que je veux dire, c'est que mentalement, ça paraît pas, mais tu te gruges. C'est ça. Bon, mais tu as réglé ton problème. L'autre côté... Tu as réglé le problème de l'événement. Oui, c'est ça. Mais toi, tu es en train de t'en faire. Ben là, tu en as un autre. Là, il faut être centré. Mais l'autre affaire, là, ce que tu venais de dire, c'est qu'en même temps, c'est que tu fais quelque chose, puis émotivement, tu vois là, que tu vires à l'envers. Fait que c'est ça qui... OK, c'est pas un virer à l'envers. Ben, du moment que est-ce que c'est inconfortable, dur? Oui, mais du moment que tu es inconfortable, je comprends. Moi, ce que je veux dire, c'est du moment que l'humain est inconfortable, il devrait penser à se centrer. Pas attendre de te virer à l'envers. Mais c'est parce que mentalement, tu sens pas que c'est dur, ça. Tu vas le sentir seulement, tu as raison, tu vas le sentir seulement si de temps en temps, tu es capable d'arrêter, tu sais, observer quelque chose. Ah, mais là, il faut que tu sois vivant, maudit. C'est ça. Non, mais ça revient à ce que tu disais, là, à la fin. Si tu t'aimes, si tu te respectes, si tu respectes ton corps puisque tu vis, tu devrais le sentir. Mais c'est ça, mais dans ce cas-là, si tu t'aimes comme ça, là, tu dis, tu y vas de même, ça va quand même être dur, tu vas souffrir quand même là-dedans. Ça va au Canadien Tower, on peut continuer. Non, mais c'est ça que je vois, moi, là. Mais, si, par exemple, là, je me respecte, moi, là, puis c'est pas ça que je veux vivre. Tu vas quand même souffrir si tu décides de t'en aller dans oui, ce que tu veux. Mais c'est pour ça qu'il faut connaître les mécaniques du discernement astral. Mais comment faire, c'est ça? C'est ça. Puis là, quand tu vis quelque chose que normalement ne devrait pas plaire à ton ego, tu le sais. Si je vous pose la question, mettons que tu te sépares, tu divorces, tout est correct. Je te pose la question, moi, là, est-ce que c'est ton bonheur, le divorce? Ben non. Parfait. Si c'est non, sache que si tu n'es pas centré, tu t'agresses. Okay? C'est simple. Vous allez perdre votre emploi. Oh, je m'en fous, ça fait des années, je viens le lâcher. Vous vouliez le lâcher depuis des années, vous ne l'avez pas lâché, on vous sac dehors, vous met dehors. Pensez que si vous ne l'avez pas lâché, il est parti égaux qui tenait en maudit. Donc, il y a un problème. Mais c'est parce que tu poses la question, est-ce que c'est ton bonheur le divorce? Non, mais est-ce que c'est ton bonheur ce que tu vis? Non plus. Mais non plus. Donc, faut que tu vérifies que tu es centré. Parce que mentalement, tu ne peux plus percevoir. Ou bien, faut que tu te sens. Comment on fait ça? Eh bien, on s'en va se promener dans la forêt. On s'en va marcher dans un parc, on rentre dans un bain flottant, si possible à la surface. Bon. Et puis. Sinon. Ouais, OK. Sur le dos. De préférence, sur le dos. Les pieds à l'opposé de la tête. Puis là, tu flottes. C'est vraiment. Et... C'est facile. Et puis. Là, ce qu'il faut faire, c'est que tu dois t'arranger. Il y a différentes techniques qui existent. Il y a des techniques de yoga, de méditation, il y a des techniques PMC, des techniques, il y a un paquet de techniques qui existent. Puis, c'est pas nécessaire de suivre une cour de technique, là. Mais quand on n'arrive pas à le faire, là, c'est bon d'aller chercher une technique, parce que la technique, c'est un programme, donc ça programme des mémoires d'intervention, puis tu as plus de facilité à le faire après. En plus, quelqu'un qui se médiocratise au maximum, bien, il ne pourra pas croire que si lui se fait une technique, elle est bonne, tu sais. Fait qu'il va plus accepter d'en faire une, mais quelqu'un va y avoir monté. Là, ce qu'il faut que la personne fasse, c'est qu'elle s'arrange pour se déconnecter obligatoirement de ce qu'elle appelle la réalité, qui est un mensonge, qui est une illusion, d'un problème qu'elle va rire de ce problème-là dans 5 ans, et présentement est en train de mourir. Bon, alors la personne doit se déconnecter. Ça veut dire que si tu aurais la chance, par exemple, d'aller marcher dans le bois, toi, d'aller camper, mais tu pars une journée, 2 jours, 3 jours, puis c'est sûr qu'en arrivant là-bas, tu te dis, faut pas que je pense à ça, faut pas que je pense au divorce. Faut pas que je pense au divorce. Bon. Mais là, à un moment donné, ce qu'il faut que tu fasses, c'est pas ça. Faut que tu dis, faut que je pense au castor. Faut que je pense au castor, bricoleur, j'ai acheté une table, puis là, faut divorcer. C'est sûr que tu vas avoir des... Bon. À un moment donné, tu regardes les feuilles, tu regardes les roches poussées, tu marches dans le bois, tu te concentres sur les maringouins. Bon. Ils sont plutôt concentrés sur toi. Ils sont concentrés sur toi. Et puis tu transpires, puis ils viennent, puis tu transpires. C'est une question de synergie. Et puis progressivement, la personne doit s'arranger pour relaxer. Mais pour ça veut dire que c'est évident que ça s'adresse à quelqu'un qui se conscientise le moindrement, qui devra faire le travail de prendre son corps puis de bouger. Ça veut dire qu'à un moment donné, tu marches trop vite, le père, tu marches trop vite, la mère, fait que marche plus lentement. Est-ce que t'éloigner physiquement du site ou des mémoires, c'est bon? C'est une très bonne chose à faire, mais il faut que tu changes. Je vais vous expliquer ceci. C'est parce que ça peut être une fuite. Non, mais pas pour fuir. Dans le sens, pour aller te recentrer. Pour aller te sortir. Aller te recentrer dans ta chambre quand tu viens t'engueuler dans le salon, c'est peut-être pas assez loin. Oui. Non, mais sérieusement, là, les mémoires de la dispute, on prend un exemple de chicane, les mémoires de la dispute, s'ils sont dans une pièce, puis tu restes dans le même environnement, dans la même maison, oui. Quand on dit « je vais aller prendre l'air », tu sais, il me semble que ça... Oui, mais si t'es un martyr d'évolution, tu peux être là, ben, je vais méditer ici, dans le brouhaha, pendant qu'elle me crie après. Tiens. C'est un martyr! Tiens, la marmite, bouge pas pour méditer. C'est ça, c'est bien vu, mais là, t'as du mérite si tu réussis. Si, tu réussis. Ce qu'il faut comprendre, c'est ceci. Pour se centrer, la meilleure chose à faire, c'est de muter, se métamorphoser en quelqu'un d'autre. Voilà. Mais parce qu'il y a aussi d'aller parler c'est quelqu'un. C'est ça que tu dis, oui, non, se métamorphoser, c'est pas le même. Non, bien, c'est ça. Parce qu'aller dans le bois, moi, il faut. En tout cas, c'est pas mal plus que ce que tu dis qui va arriver, c'est que tu penses, ça te sort pas de la tête. Tandis que si tu vas parler avec quelqu'un ici. Ça dépend. Faut que tu te métamorphoses, premièrement, dans le cas d'une personne mentale, disons, toi, tu vas dans le bois, puis tu crois pas que ça va marcher. Fait que c'est évident que ça marche pas. Ben oui, mais. Mais non, mais tu comprends l'idée, là. Oui, c'est ça, je l'accorde. Dans le bois, une meringouin, pas de toilette, puis pendant que t'as le long de ta maison, pas de meringouin, télévision, ben évident, ben de rien. Tu sais, franchement. Elle, ça va dans le bois. Moi, moi, je vais me centrer. Tu dis, va dans le bois, je vais me centrer. Ouais, chérie, au lieu de m'engueuler, puis tu s'arrêtes en 15 mois ou deux, je me sors. Tu perturbes mes énergies. Faut que tu te métamorphoses. Se métamorphoser veut dire muter, ça veut dire que ce que vous êtes, ne le soyez plus. Et il y a une façon de le faire. C'est justement ça que l'autre te demande. C'est ça. Fait que t'as plus de problème, après. Se centrer émotivement, c'est essentiel parce que ça permet à l'humain qui vit des problématiques de vivre modestement moins malheureux. Le bonheur, là, ça, c'est un autre palier. C'est un état bien particulier. Mais l'humain vit moins heureux, donc minimum quand on est là, c'est déjà bien correct. Là, tu as commencé à t'alimenter, tu as commencé à vivre du sentiment, tu te diriger vers une joie. Puis la joie, c'est le bonheur instantané, c'est une joie, c'est pas mémorisable, c'est là. Alors, ce qu'il faut que l'humain fasse, il faut que l'humain se transforme. Pour que l'humain se transforme, l'humain, il faut absolument qu'il fuit tous les égrégores qui l'obligent à conserver sa décentricité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, on a un paquet de petits blocs ici, l'ego humain aime souffrir. Il aime tout ce qu'il connaît. Et il en a peur, il a une roll-ball, il déteste tout ce qu'il ne connaît pas. Alors, vous connaissez la peur parce qu'il y a une partie de peur chez vous, eh bien, vous aimez la peur. Vous avez besoin de peur pour vivre. Alors, vous allez aller louer des films d'horreur, vous allez vous faire des peurs, vous allez là, l'humain a besoin de ça. Vous allez faire du son parachute, du deltaplane. Écoutez nouvelles. Vous allez lire les journaux, voir l'horreur des gens. Il faut se nourrir. Là, ce qui arrive, c'est qu'il y a tout un paquet de parties ici qui ont une décentricité. Et la décentricité des blocs ici est expérimentée par l'ego. Je ne vais pas trop compliquer les choses. Mais ça fait quoi? Ça fait que vous vous reconnaissez comme étant ceci. Moi, je suis croche de même. C'est moi, ça. C'est dans le genre, tu sais que je suis colérique, mais tu sais, je change. Tu sais que moi, je change pas. L'ego... Je suis fait comme ça. Hein? C'est ça, je suis fait de même. Quand tu m'as marié, j'étais de même. Oui. Puis là, on aura un collectivisme. Oui, mais nous autres, les hommes, on est de même. Nous autres, les femmes, on est de même. Nous autres, les jeunes, on n'aime pas ça. Nous autres, les vieux, on vous comprend pas. C'est les générations, les fausses générations. Voyons, non. Le grand-père, il s'entend mieux que son petit-fils que le père. Et que, il me semble le fossé de la génération. Hein. Les idées et l'illusion. Bon. Là, ce qui arrive, c'est pourquoi je dois que tu dis que tu dois te métamorphoser. Ça veut dire que tu dois quitter tous les égrégores, toutes les entités, tout ce qui, dans ton atmosphère, vient nourrir cette partie d'ego-là qui garde ton excentricité. Non, ça, c'est une ancienne centricité. C'est arrêté un calembour, mais il n'est pas bon. Donc, ta décentricité. Si tu t'en vas camper, ce que tu disais tout à l'heure, Charles, si tu quittes la maison pour aller te centrer, bien, nécessairement, tu vas dans un endroit où ces égrégores-là ne peuvent plus te nourrir autant. C'est sûr que toi, tu pars tout ton bagage au complet, tu mets tous tes égrégores dans le bois, camper ça, là. La chaise que ta femme t'a offert. C'est très important. Son sac de couchage à elle. Vous ne pourrez pas vous centrer dans le lieu du problème. Comptez pas là-dessus. Ah, mais moi, je suis plus fort, tu sais, il faut être plus fort que ça. Pas de problème si tu veux être martyr, moi, j'ai rien contre. Quand tes chiens sautent dessus, ils te mordent, puis tu sais, je te dis, va-t'en, oh, un instant, moi, je suis dans ma cour, faut être plus fort que ça. J'ai rien contre, je vais te voir à l'hôpital. Tu sais, à un moment donné, c'est beau d'être nouille, mais ça n'a rien à voir. Il y a un problème familial, tu te centreras pas chez toi. Les couples vont le faire instantanément, spontanément, souvent, ils vont partir pour réfléchir. Bon, mais en réalité, ils devraient partir pour se centrer. Donc, pas réfléchir, « Ouais, là, il me fait ci, il me fait ça. » Parce que là, vous allez être en dissonance. « Ouais, mais par contre, il m'amenait ça, puis là, on ne sait plus rien. » Tu t'en vas ailleurs, tu bénéficies, tu t'en vas chez ta mère, chez ton père, bien, fais le plancher, ils sont en campagne, bénéficie de la campagne, tu revis un autre monde. Sors de ton monde, décentré, puis va-t'en ailleurs. Puis là, évidemment, arrange-toi ton bon amour avec un autre tout de suite, là. L'humain manipulable. Puis là, tu t'arranges simplement pour tout centrer. Ça veut dire quoi? Ça veut dire de faire la paix avec ça, avec le problème. Après 2, 3, 4, 5 jours, vous avez fait la paix avec le problème. Bien là, maintenant, c'est le temps, maintenant que vous êtes centré, de vous demander ceci. Un. Quelle est ma limite d'écœurement? Jusqu'où je suis prêt à aller avant de tout lâcher? Parce que dans certains cas, il faut que l'humain coupe avec tout. Il n'y a pas un problème assez sérieux pour qu'on puisse pas le foutre là. Mais l'humain, il veut le régler. Et des fois que c'est pas réglable. Mais c'est réglable, ça s'en va. Quelle est ma limite d'écœurement? Quand t'es rendu que tu marches en tremblant, là, peut-être qu'il est temps, tu sais, ta limite était pas mal basse. Parce qu'on descend. Quelle est ma limite d'écœurement? Après ça, ici, ça va être matériellement ici. Qu'est-ce que je ne peux pas tolérer de la vie? Pas qu'est-ce que je peux pas tolérer du patron, de ma femme, de mes enfants, de mon mari, c'est pas ça, de la vie. Les limites, qu'est-ce que je ne peux pas tolérer de la vie? Il y a des choses que vous ne pouvez pas tolérer. Prenons l'exemple d'une femme qui a des problèmes avec son mari, parce que son mari a besoin de faire l'amour deux fois par jour avec elle. Puis elle, elle n'aime pas ça. Elle n'aime pas ça une fois par semaine, ni une fois par mois, fait qu'elle a deux fois par jour. Jusqu'où? Jusqu'où? Et quand tu es revenu chez toi un peu, après deux, trois, quatre, cinq jours, que tu es en paix avec le problème, puis que maintenant tu commences à voir pas à tes problèmes par rapport à toi, moi là, qu'est-ce que je veux? Est-ce que c'est ça que je veux vivre? Non! C'est pas le bonhomme ou la bonne femme ou etc. qui m'amène ça. OK? Faut pas mélanger tout de suite, là, parce qu'on va recommencer à ramener les poubelles. On va chercher les égrégores du décentrage. Moi, personnellement, là, je veux vivre quoi? C'est quoi mes limites? On peut tolérer, on peut laisser des chances. C'est jusqu'où je vais dans la vie? Ce serait le patron, ce serait du harcèlement, c'est n'importe quoi. Bon, alors, qu'est-ce que je peux tolérer dans la vie? Puis après ça, on décide, qu'est-ce que je ne veux pas? Je ne veux pas. Si je retourne dans mon problème, c'est un patron qui vous harcèle, une femme ou un homme qui harcèle un homme, ou une femme qui harcèle une femme, qu'est-ce que je ne veux pas? Mais moi, je veux plus tolérer ça, ça, ça, ça. Là, je me suis rapproché de mon problème. Je ne veux pas le tolérer, c'est simple. Là, je ne me retourne pas tout de suite en ville, dans mon problème. Là, ce que je fais, c'est que je garde une journée, deux jours, trois jours, et je reviens souvent là-dessus. Je suis en train de centrer mes blocs. Pourquoi les blocs se centrent? Parce que vous êtes présent. Vous êtes dans l'intelligence. Vous êtes en paix avec le problème. Vous êtes présent. Étant présent, les choses se placent immédiatement. On n'a pas besoin de dire le petit bloc bleu, là, touche-toi à gauche, à la peur, un petit peu à droite, non, pas trop, pas trop, on revient maman. C'est pas nécessaire. L'intelligence, c'est ça que l'humain a besoin, l'intelligence. Et l'intelligence est toujours perturbée chez l'humain. Puis la vie s'en occupe. La vie, la Terre a peur de l'intelligence. On développe l'intellectuance, ce qu'on appelle l'intelligence. Donc, une intelligence qui est limitée par les mémoires de l'humain, par ses désirs. Et, à un moment donné, tu as pris ça, ça, ça, ça. Fait que là, tu vas revenir, une fois que tu as pris deux, trois jours peut-être, ça dépend de la grosseur, on parle d'un gros problème, pour revérifier. Tu te lèves un matin, là, bon, on repose les mêmes questions. N'écrivez pas. OK? Il y en a qui m'ont dit, moi, je vais écrire ça, tu sais, pour pouvoir m'en rappeler. Justement, je ne vais pas vous en rappeler. Mais vous écrivez pas ça. Mes limites, là, c'est X. Le lendemain, vous vous réveillez, puis là, mes limites, moi, c'est Y. Mais si c'était écrit, là, vous allez vous convaincre que c'était ça, vos limites. Alors, c'est pas vrai. Deux, trois jours de plus, deux, trois heures de plus, dépendamment du contexte, pour parfaire la centricité. Puis une fois que ça, c'est fait, puis quand je dis vous devez être un autre personnage, vous marchez toujours vite, marchez lentement. Vous mangez toujours lentement, mangez plus vite. Vous mangez toujours des spaghettis, vous mangez du macaroni un petit peu. Vous faites des changements trop brutaux, parce que les humains n'ont pas ça. Vous vous habillez d'une façon, changez là. Bon. Pourquoi? Pour, justement, adopter l'attitude de celui qui ne fait pas partie du problème. Devenez celui qui va le regarder, puis qui va conseiller, qui aura raison, et non pas celui qui va être du bord, qui va dire « Ouais, ouais, facile à dire. » C'est ça. Une fois qu'on a vu nos limites, qu'on a vu notre limite d'écœurement, ce qu'on ne peut pas tolérer dans la vie, après ça, on va aller voir les limites dans la problématique de l'événement. Là, je suis centré. Là, je m'en reviens. dans ma démarche d'autres personnages, donc je m'en viens pas comme l'ancien, et puis j'arrive pas en disant « Bon, ben là, j'ai tout réglé! » C'est pas ça. Reviens vivre tes affaires, puis parle de rien. Parlons du harcèlement, par exemple, en affaires. L'autre, il va revenir vous harceler, c'est évident. Là, il vient se pointer encore, puis il vient encore vous toucher. Là, vous dites carrément, là, ça vous irrite bien noir. Ben là, rappelez-vous que vous avez décidé que ça, vous le viviez pas. Ben là, c'est le temps de lâcher un beau gros qui aille, un beau gros cri, là. Hey! Là, l'autre, il en revient pas, il comprend pas, là. Quand t'as eu une semaine dure, là. Vous allez peut-être perdre votre emploi. Perdez pas le respect de vous-même. Il peut se passer, mais ce que je veux, c'est que quand la personne est centrée, là, évidemment, elle va crier, parce que souvent, les gens sont médiocres, elle va se décentrer tout de suite. Peut-être j'aurais pas dû faire ça. Si t'es pas sûr, tu repars encore de centrer. Ça va aux toilettes, tu sors de la bâtisse, tu sors de la maison, ça va faire une petite marche. Puis ce sera pas long, là. C'est pas, ouais, peut-être que j'ai trop exagéré, que c'est pas ça. Partez donc du fondement même de votre existence. On revient. C'est quoi les limites de mon écœurement de la vie? Pas « j'ai-tu bien fait? » C'est quoi les limites de mon écœurement de la vie? L'événement est une illusion! Fait que revenez pas avec l'événement! Bon, c'est quoi les limites? Qu'est-ce que je ne peux pas tolérer de la vie? Puis après ça, la problématique du harcèlement, là, qu'est-ce que je ne veux pas? Je veux plus vivre! Revenez avec ça! Puis là, vous allez retourner en dedans, là, c'est clair que vous en foutez, que j'ai bien fait ou pas bien fait, vous en balancez. Et pour une fois, en tout cas pour ce fois-là, pour cette fois-là, vous avez appliqué votre allergie à la stupidité. Vous allez revenir, l'autre il va dire, écoute, moi des criages de même, là, j'ai aucun problème. Moi, il me semble que je vais crier comme ça chaque fois que quelqu'un va venir me minoucher. je le sais, c'est une maladie. Le moindrement que l'humain est centré, là, il peut tellement s'amuser, se nourrir. Pourquoi? Parce qu'il n'est plus dans le problème. C'est quoi le problème? Au lieu que ce soit votre problème, ça ne sera pas long que ce ne sera plus votre problème. Puis si ça s'en va, vous vous ramassez dehors parce que le patron vous met à la porte, exemple, il va de toute façon vous mettre à la porte. Vous allez coucher avec lui. À un moment donné, vous allez de toute façon atteindre votre seuil d'écœurement. Fait qu'autant l'atteindre tout de suite. Puis plus vite on l'atteint, l'autre secrétaire, gars ou femme, qui rentre dans la compagnie, le patron, homme ou femme, vient la minoucher, puis tout de suite, c'est « Oh! » Elle ne perdra pas son emploi, elle. Il va la laisser là. Il va parler dans son dos, mais il va lâcher bien plus vite. Mais l'autre, que ça fait 2 ans qu'il minouche, quand elle va décider que c'est assez, elle a plus de chances de perdre son emploi. Parce qu'il y a un droit acquis. Il brise plus d'expérience de l'ego chez le patron. Il faut comprendre, c'est qu'on doit se centrer. Ça donne rien de revenir et dire à l'autre, écoute, je suis allé me centrer, puis à partir d'aujourd'hui, tu ne peux pas faire ça, parce que ça va être... Tu peux le faire, c'est risqué, évidemment. Ça peut amener une hilarité chez l'autre. Il peut trouver ça comique. Mais la meilleure chose à faire, c'est de revenir en faisant comme si rien, en revenant, toi, là. Je te donne un exemple. La première fois... que vous allez rentrer... Bon, un exemple facile ici, je vais prendre une personne. Surtout aussi, ils veulent pas plus que vous autres, j'ai pas de même cobaye. Je donne une claque. Ça le dérange pas. Je donne une claque aux minutes. Là, j'accélère à les minutes, lui accélère son... C'est bon. À un moment donné, tu me rends le bol. Lui, il s'en va se centrer, il revient. Là, faut pas que ça fasse. Il dit, bon, là, il recommence. C'est sûr, moi, j'ai pas été me centrer. C'est sûr, je recommence. Moi, je suis programmé, j'aime ça. Moi, t'es tellement biaisé. Tu fais rien, t'es un beau petit gars. Mais je dis pas, parce que ton ego va grimper trop vite. Là, je tape. Là, il repart se centrer. Là, il est calme, il revient. Faut pas qu'il parte avec le passé. Oublie complètement que je t'ai donné des claques avant. Vous, ce que vous ne tolérez pas, c'est pas la 8000e claque. C'est le gars qui vient vous claquer. C'est simple. Pas Daniel. C'est ce genre d'événement-là. Fait que moi, je reviens, il relaxe. Il faut pas qu'il ait peur. Ouais, mais là, d'un coup, il recommence. Lâchez ça, restez avec. Qu'est-ce que je peux tolérer? Il m'en vient là, une claque. Il va dire, oh, les claques, là, mais ça ailleurs, donne ça aux autres. Il dira pas, wow, c'est assez, il fait 2 ans. T'sais, rappelez-moi pas, j'ai le droit à qui? Sur votre épaule. C'est simple. Immédiatement, c'est la façon, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à un moment donné, c'est Charles qui rentre dans la compagnie. Il s'assoit. Moi, je m'en vais le voir pour lui donner une claque à ses épaules. Lui, là, il est exactement comme lui. Dans l'événement d'aujourd'hui, les deux vivent pour la première fois, sauf s'il y a de la mémoire, le même événement. Alors lui, il donne une claque, on va dire une deuxième, et donc c'est une maladie. Lui, se respectant, il ne tolérera pas longtemps. Mais lui, il va se servir pour souffrir des deux ans que j'ai donné des claques. Mais aujourd'hui, maintenant, actuellement, les deux vivent le même événement. J'arrive, une claque, j'arrive, une claque. Les deux vivent le même événement. Parce que lui se respecte, il ne pensera pas lui non plus qu'il a un droit acquis à se faire claquer. Il arrête de sonner. Lui, ce qu'il faut qu'il fasse, il faut qu'il agisse comme si c'était une nouvelle personne. Comme si le passé n'est pas là. Qu'est-ce qu'il a à faire du passé à part brouter avec? Il vient s'asseoir, une claque. Oh, oh, c'est une maladie que tu as là. Oui, non, là, on fait deux ans, je te claque. Ça fait deux ans, tu me claques! Deux ans! T'es pas nerveux? T'es t'es pas encore mort? Et je devais dormir, mais là, je dors plus. Ça va. Là, je vous dis pas de crier tout le temps. Ce que je vous explique, c'est que vous devez être quelqu'un d'autre. Se centrer émotivement, c'est une façon absolument merveilleuse de parvenir à cesser d'être mal pris. Quelqu'un va dire, oui, mais tu ne peux pas régler ça de même parce que, mettons, une séparation, les enfants, le chat. Vous continuez à souffrir ou vous allez vous centrer. Une fois centré, vous ne prenez pas la décision de ce que vous voulez faire. Vous observez votre vie, votre limite d'écœurement, celle que vous devriez tolérer en tant qu'être humain qui s'aime. C'est tout. Ce que vous ne pouvez plus tolérer de la vie, puis vos limites au niveau de l'expérience que vous vivez après. C'est tout. Vous ne remettez pas en question votre femme, votre mari, votre pas ça l'idée. Moi, je suggère de remettre en question la vie. Le fondement même. Tout le monde est bon, mais tout le monde est programmable. Moi, j'ai cœur du monde, mais tant qu'ils ne me le disent pas, je ne sais pas que j'ai cœur. Quand ils me le disent, ben, je le sais. J'ai cœur pareil, mais. Je le sais. Fondement de la vie. Une fois qu'on a remis, on a revu la façon dont on se laissait insulter par la vie, bien là, on met nos limites de tolérance. Là, après ça, vous revenez à la maison, c'est plus... là, oui, mais là, les enfants, là, c'est... Foutez-vous-en, tout ça, là, malheureux, un parent malheureux, défaite, détruit. Il n'est pas utile, la famille. Bon, il est mauditement mieux ailleurs. Puis l'ego a vécu avec la nourriture des enfants, puis de la femme, du mari, puis du chat. C'est sûr qu'il va y avoir de la souffrance. Tant que l'humain se recentre au niveau de son écœurement, vous souffrez là, la famille est partie, s'est séparée, c'est fini. Ils ont quitté la maison. Vous êtes tout seul chez vous, avec la moitié de la table, la moitié de la télévision, les choses vont être bon. C'est souffrant. Allez vous centrer. Allez vous promener. Allez n'importe où. Puis là, reposez-vous juste ces questions fondamentales-là. C'est quoi mon niveau de tolérance à l'écœurement? Même ce que je vis là, ça m'écœure. Puis si je retourne comme avant, c'est la même chose. Vivez ça, vivez ça, vous vivez ça. Maudissez pas votre femme, votre mari. Maudissez l'événement. On pourrait dire maudissez la vie. Et la vie, c'est la partie de vie qui est venue vous insulter parce qu'il y a bien d'autres parcelles de vie qui sont géniales. Tant qu'on s'attache à la parcelle qui n'est pas la nôtre, là, parce qu'on est décentré, puis on se fait alimenter, puis on se fait charrier, c'est plat. Mais à un moment donné, là, ben là, c'est ça. Moi, je me recentre sur ce que je veux vivre. Même chose que la claque, je rentre dans ma maison avec la moitié de tout. Mais le gars qui arrive de n'importe où, qui hérite de ma maison, il hérite avec la moitié de tout, puis il commence. Bien, vous arrivez avec la moitié de tout, une fois que vous êtes centré, puis vous commencez. Commencer, on jette ça, on fait ci, on fait ça, bordel, on recommence. Puis l'être humain qui est centré ne refusera pas de rêver quelqu'un d'autre. Mais l'humain qui est décentré puis qui vit la séparation, il va se courir tout de suite après quelqu'un pour se placer, ou bien il va dire que je l'ai assez, moi je recommence. La centricité, ça permet progressivement d'arriver vers la joie. Ça permet à l'intelligence de descendre drôlement plus facilement, c'est moins coloré. Ça va vous donner une meilleure vision de la réalité. Ça va vous permettre de régler une belle pluie de problèmes qui peuvent paraître même insolubles. Tant qu'on est décentré, on ne peut pas les résoudre, ces problèmes. Évidemment, les petites problématiques, les problèmettes, c'est bon, les petites problématiques, régulièrement, parce qu'au niveau du problème du corps physique et de la santé physique, on règle les paquets de problèmes. Mes limites d'écœurement, la vie est-elle une insulte à mon intelligence? C'est la question que je me pose. Eh oui, mais ça, j'en veux pas, ça, j'en veux pas, ça, j'en veux pas. Ce qui est là-dedans, j'en veux plus. Merci, mais là, vous pouvez inspirer par le livre. Bonne soirée tout le monde. Bonsoir.